France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 164. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 24 mai 2009, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es sacrément soulagé de savoir que Peter Pan veille sur tes enfants. Vous trouvez ça vraiment bien, l'arrestation du gamin de 6 ans, là? Oui, on n'a pas arrêté de le dire. Mais vous avez dit que c'était grâce à moi? Non. Pourtant, c'est grâce à moi. Hein? Qui c'est qui a dit que les délinquants fallait les repérer dès la maternelle? C'est moi. C'est vrai, ça. Bah ouais. Et qui voulait mettre les jeunes en prison dès l'âge de 12 ans? C'est moi. Voilà. Alors, si aujourd'hui en France, on est capable d'arrêter des enfants de 6 ans sans se poser de questions, faut pas oublier que c'est grâce à moi. Ben, promis, on n'oubliera plus. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de l'amorosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office religieux et freudien, durant lequel nous croiserons ce matin deux apostats, un inquisiteur et l'antéchrist. Dans la foulée justement, nous retournerons au festival de Cannes où l'antichrist, le nouveau film de Lars von Trier, a provoqué la colère de Ben Sixteen qui s'est pointé incognito sur la croisette lundi dernier. Oui, croisade Vatican. Ensuite, nous rejoindrons la terre battue des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques, à l'occasion de l'ouverture de Roland-Garros, se sont vus prodiguer une étrange leçon de tennis que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, où nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude ont essayé de comprendre comment l'industrie laitière s'en met plein les fouilles sur le dos des vaches à lait. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter à la recherche d'une bonne occasion immobilière. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti! C'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte sévèrement le son et ne plaide jamais coupable. Sunny beaches, take your car. Girls and Boys, du pop-rock festif pour les garçons et les filles, que nous offrait en 1994 le groupe britannique Blur. Bien plus sympathique que cette idée folle de fouiller le sac des mômes à l'école. À croire que Xavier Darcos ne peut vraiment plus blurrer les adolescents. Tu joues avec ta santé, là. C'est ta vie que t'as entre tes doigts, t'as vu comment ça pèse, ça? Je vais te l'envoyer à travers la gueule, ma parole, si je te rate rien qu'avec le vent, je t'enrhume, là. Bien. Alors, avant que le ministère de l'Éducation nationale ne soit placé sous la tutelle de la place Beauvau, ouvrons dès à présent à 11h11 les modestes aventures laïques de ce 164e épisode du Mangin Palace. Et, comme d'habitude, il est l'heure pour toi de te vautrer confortablement afin de profiter au mieux de notre malicieuse liturgie qui débute, bien entendu, par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons sculpté cette semaine un retable en triptyque sur lequel tu vas distinguer deux apostats du socialisme, un inquisiteur vendéen et l'antéchrist en goguette sur la croisette. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Au micro de France Inter, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes. En effet, permettez-moi de vous répondre avec beaucoup de sincérité, je ne suis pas un homme de parti. Je pense que l'intérêt de la France était plus important. Je pense que nous avons bien servi le président Sarkozy. Zoltan ! À ma place, j'ai bien servi les intérêts de la France dans la présidence française de l'Union européenne. Au royaume des aveugles, le nain borgne roi, mon pote. La vraie question a été, vous avez travaillé pour la gauche, aujourd'hui vous travaillez pour la droite. Est-ce que vous seriez prêt à retravailler pour la gauche ? Vous leur avez demandé leur avis au moins ? Pourquoi pas, mais le la, question, gauche, ne se... oui. Pardon, la question ne se pose pas du tout, je veux dire. J'ai frémi, je l'avoue, j'ai... Oui, au dernier moment, j'ai eu peur qu'il nous propose un échange. Thomas Legrand, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, qu'en est-il de cette rumeur de nomination de Claude Allègre au gouvernement ? Cette rumeur, très bien organisée, nous fournit un condensé du savoir-faire de Nicolas Sarkozy. On a l'impression que l'effet de l'annonce spectaculaire que produira la nomination de Claude Allègre, ancien ministre socialiste... Je maigris, je crois, entre-temps, non ? ...est plus important, plus déterminant que le contour de ses attributions, c'est-à-dire que Claude Allègre sera ministre et aura un titre à rallonge, rassurez-vous. Je crois qu'il arrivera à rester le cul sur une chaise et regarder la télé toute la journée. Une coquille vide uniquement destinée à abriter une personnalité politique, comme pour le ministère de la Relance, pour caser Patrick Devedjian. Je suis doué pour ça. Doué pour quoi ? Rester le cul sur une chaise ? Philippe Devilliers, au deuxième tour des élections présidentielles, vous avez voté pour Nicolas Sarkozy, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de la politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy ? Zoltan ! Par exemple, il y a des choses qui me surprennent et qui me choquent, qui n'étaient pas du tout prévues au moment de la campagne présidentielle. Je vais faire usage de mon privilège royal, 3 coups de suite. Le commissaire à la diversité, la halle, la perte des repères. Vous envoyez des crieurs dans tous les villages, que tout le monde se mette au même régime ? Moi, j'attends de nos gouvernants qu'ils établissent l'ordre, l'autorité, mais surtout, j'attends de Nicolas Sarkozy qu'ils rétablissent la souveraineté de l'État qui est aujourd'hui battue en brèche. Nous essayons encore de comprendre le sens de la dernière phrase. Le Festival de Cannes avait présenté aujourd'hui en compétition officielle notamment le dernier long métrage. C'est un scandale ! Métrage de Lars von Trier. Lumière ! Hop ! Le film s'ouvre sur une scène de pénétration très crue. Oh, le fluide passe à fond ! Un sexe en gros plan. Ce type me plaît, m'envoûte ! Décor, celui de Charlotte Gainsbourg et de Willem Dafoe, violé par la caméra de Lars von Trier. Je vois que vous avez tout compris. On est dans l'hyper tout, l'hyper bol. Je sais pas à quoi ça sert, ce genre de film. Lars von Trier, Palme d'Or en 2000 pour Dancer in the Dark, dit volontiers que ce film est le plus important de sa carrière. Charlotte Gainsbourg est donc l'actrice principale de cette fable très sombre. J'étais gêné pour Charlotte Gainsbourg de la voir masturbée contre un arbre, de la voir couper le clitoris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, la question c'est de qui se moque Lars von Trier ? Antichrist, qui divise d'ailleurs assez profondément la critique. Satan utilise toujours la chair pour nous corrompre. Oh non, pour l'amour du ciel, descends de ton crucifix, toi, au prix où est le bois. Vois-tu, tracassé par ce film apocalyptique de Lars von Trier, l'Antichrist, voilà déjà plusieurs semaines que le Vatican s'intéressait de près à cette 62e édition du Festival de Cannes. C'est ainsi que Benoît XVI a carrément décidé d'envoyer sur place deux espions authentiques de la curie romaine, Monseigneur Dominique Lamberti et le cardinal William Levada. Seulement voilà, inquiet de ne plus avoir de leurs nouvelles depuis plusieurs jours, lundi dernier, le pape a demandé à son secrétaire d'État, le cardinal Berton, d'essayer de joindre ses deux sbires. Berton s'exécuta et téléphona tout d'abord à Monseigneur Lamberti pour obtenir un rapport détaillé de ses premières observations canoises. Bon, ben, pas de fête, hein. Toujours pas de star, y'a rien, là, quoi. Vous êtes où? Ben, je suis à Caen. Mais c'est à Caen, le festival, monsieur. Moi, je sais. Mais moi, je suis con. Ça fait chier, hein, les cons, hein. Non, moi, je m'en fous. Je vous trouve gentil. Certes, le cardinal Berton fut indulgent avec cet espion déjanté du Vatican. Mais quant au pape, il fut fou furieux, bien sûr, d'autant plus qu'il était devenu impossible de mettre la main sur leur second émissaire, le cardinal Levada, qui lui avait totalement disparu. Si bien que lundi après-midi, Benoît XVI a décidé, incognito forcément, de se rendre lui-même sur la croisette. Et c'est à peine arrivé au Carlton, dis donc, qu'il est tombé sur cet espion qui avait disparu. Immédiatement, le pape exigea qu'il lui fasse son rapport. Au départ, j'avais dit, je ne vais plus aux soirées se terminer. Ça fait 10 jours que je suis ici au festival. Je suis tout le temps bourré comme une queue de paille. Je vais quand même aller voir un film, sinon hein, de quoi je vais causer. Mais non, alors, au moment où je rentre dans la salle, hein, il y a Tocan qui s'amène et qui me dit, amène-toi, il y a une super soirée pour un petit film indépendant. Je dis, eh oh, tu m'as bien regardé. Petit film, petit budget, petit buffet. Hein. Eh ben non, il me dit, t'es con, c'est produit par un milliardaire colombien. Bon, alors moi, je fonce. Alors. Oh, la soirée qu'on a faite, putain. Voilà. Oh là là là là. Effrayé par ce cardinal assurément possédé par le diable, le pape décida de pourchasser lui-même le démon sur cette croisette de débauche. Mais sous quel trait Satan pouvait-il bien se cacher? C'est alors que Benoît XVI s'est souvenu qu'en 1962, à l'époque où il préparait le concile de Vatican II, il y avait eu un incident durant le festival de Cannes. Événement crucial selon lui et qui expliquerait pourquoi le film qu'est venu présenter Johnny Hallyday cette année s'appelle « Vengeance ». Terminons par une nouvelle concernant l'affaire Johnny Hallyday. Vous le savez peut-être, la direction du Palais du Festival à Cannes, ayant décidé que la présence de ce twister n'était pas justifiée, il fut donc interdit à Johnny Hallyday de se produire devant ses milliers d'admiratrices et d'admirateurs. Lesquelles admiratrices et admirateurs étaient là en masse hier pour le soutenir et pour huer la direction du Palais des Festivals à Cannes? Un huissier étant venu constater que les portes de la salle étaient bien fermées, ceci permettra à Johnny Hallyday, à notre grand cher artiste, de faire un procès à la ville de Cannes. Oui, pour Benoît XVI, il n'y avait plus aucun doute. Le diable s'appelle Johnny. Mais que faire? Eh bien, lundi soir, après la projection officielle, avait lieu la fête du film de Lars von Trier, L'Antichrist, et pour le pape, il était évident que le diable se ferait une joie d'y aller. C'est pourquoi Joseph Ratzinger, le Bavarois, dépouillé bien sûr de son apparence papale, essaya non sans peine d'entrer dans cette fiesta de VIP. Devant le club VIP, à plein de Lamborghini, moi j'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas, ça m'énerve. Dans le carré, j'ai tout vomi par terre, j'ai perdu mon ticket pour le vestiaire, je trouve pas. Oui, Benoît XVI fut horrifié de découvrir le stupre et la débauche des fêtes cannoises. Mais après une bonne heure passée dans cet antre démoniaque, aucune trace véritable du diable. Le pape s'apprêtait à quitter la fête pour rejoindre sa piole au Carlton quand soudain, aux toilettes, il croisa Lars von Trier. Vous savez qui je suis? Non, je ne sais pas. Qui êtes-vous? Je suis l'Antéchrist. Je ne suis pas de très bonne humeur. Vous direz aux anges du ciel que vous n'aviez jamais vu le mal aussi nettement incarné que dans l'homme qui vous a exécuté. J'espère que ça va vous épargner les fausses questions du genre « Mais qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie, celui-là ?» On va jouer aux questions-réponses. Et au risque de répéter ce que j'ai déjà dit, je vous en prie, que vos réponses soient plausibles. Vous voulez une Chesterfield? Non. Non. Le pape ne fume pas de clope, bien sûr, même à Cannes. C'est alors que s'engagea, entre ces deux forces diamétralement opposées, le jeu des questions-réponses. La priorité fut accordée au pape. Est-ce Johnny, le diable? L'antéchrist se bidonna, bien entendu. Attends, Benoît, Satan est un peu plus malin, quand même. Et toi, Ratzinger, pourquoi persévères-tu à servir Dieu? Parce que, vois-tu, répondit Ben Sixteen, lui, c'est le créateur tout-puissant. Ce à quoi l'antéchrist répondit au pape. Je vais te dire quelque chose sur lui. Lui, c'est le plus grand imposteur de tous les temps. Ce n'est qu'un publicitaire, c'est tout. S'il se passe quelque chose de bien, c'est grâce à lui. S'il se passe quelque chose de mal, les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu crois à ce dossier de presse que l'on appelle la Bible? Tu as cherché des réponses dedans, qu'as-tu trouvé? Les merdes, ça arrive. Pff, je t'en prie. Il t'a traité comme un moins que rien et tu t'es détourné de lui. C'est pas moi le méchant. Et que pensez-vous de la fin des temps? Que c'est un nouveau début. On change toute la direction. Et tu serais à mes côtés dans les hautes sphères. Ça pourrait être si cool. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux vraiment et je te l'accorderai. Ébranlé dans sa foi par cette redoutable tentation démoniaque au cœur de la nuit cannoise, Benoît XVI décida d'appliquer la méthode des jésuites. Autrement dit, pour combattre ton ennemi, connais-le mieux que toi-même. Ainsi, le pape accepta de suivre Lars von Trier, l'antéchrist, jusqu'au petit matin afin de pouvoir in fine refuser son indécente proposition et triompher dans sa foi face à lui. Nos deux compères ont alors passé leur nuit à bourlinguer de fête en fête dans de somptueuses villas perchées sur les hauteurs cannoises. Et à l'aube, au premier rayon du soleil sur la croisette, alors qu'il rentrait en direction du Carlton, Benoît XVI faisait le bilan de ces fameuses nuits du Festival de Cannes. Là, j'ai vu à mon grand étonnement que les flammes du royaume de Satan n'étaient pas du tout ce qu'on en dit sur terre chez nous. Dans des jardins et dans des rues, il y avait des filles nues, les plus jolies que j'ai jamais vues. Je serais bien resté moi si j'avais pu. Dans les fontaines, il y avait du whisky et du vin qui coulait. Pour tous les goûts, ça y en avait. C'était bien trop beau pour être vrai. Bon. Visiblement, la méthode des jésuites a quelque peu foiré. Et il est à craindre que c'est l'antéchrist qui ait triomphé. Notons simplement qu'avant de se séparer, Lars von Trier a offert au pape une étrange lance danoise. Ensuite, épuisé, Benoît XVI a décidé de rentrer se pieuter au Carlton. Fin de l'histoire. Cela dit, juste avant qu'il ne s'endorme, la Vierge s'est pointée, bien sûr, pour tirer toute cette affaire au clair avec le vicaire. Ah. Bonsoir, ça va? Je vous dérange pas? Bon du tout. Et vous faisiez quoi, là? Comment je faisais quoi? Vous voyez bien que je fais rien. Oui, vous faisiez rien. Je me détends, quoi. Vous voulez bien arrêter de me prendre pour une dinde? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vous ai souvent vu faire ça, mais j'ai jamais vraiment compris. Je trouvais ça bizarre, mais bon, vous pouvez chercher plus loin. Mais de quoi qui est bizarre? Finalement, j'ai compris. La lance, là. À moins que je me trompe. C'est la regia. Vous profitez d'un moment de solitude, vous la sortez, vous la mettez bien en évidence et puis vous vous prenez la tête dans les mains. Alors, excusez-moi si je me trompe, mais j'ai bien l'impression que vous êtes en train de prier Mars. Prier Mars? Prier Mars. Peut-être, oui. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous signale que vous êtes légèrement engagé dans une quête au nom du Dieu unique. La religion, c'est le bordel. Admettez-le. Alors, laissez-moi prier ce que je veux tranquille. 100 Yard Dash, c'est le dernier titre du Californien Raphaël Saadic, qui est sans doute moins sadique que la crise économique. Eh oui, je sais. Les gens riches, les puissants, eux, ils peuvent pas comprendre les problèmes et les angoisses des pauvres gens. Ah, c'est vrai, il a raison, cette vieille Saadic. Il y a trop d'années qu'elle nous fait souffrir. Alors maintenant, après avoir monté les marches de la lutte apocalyptique entre l'Antéchrist et Ben Sixteen, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h27, sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, tu l'as bien repéré, aujourd'hui débutent à Roland-Garros les internationaux de France de tennis. Et cette semaine, dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, jamais à court d'idées. Les voix des fantômes de la radiophonie française se sont savamment préparées à cogner la balle. Alors écoutons avec délectation ce tournoi que nous a concocté notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, Alina, on a été cultivés. Mercredi soir, à l'occasion de Roland-Garros, le ministère de la Santé et des Sports nous a offert un séminaire d'initiation au tennis. Première leçon, fabriquer sa raquette soi-même. On va faire un produit pour aller jouer le dimanche sur le court, où on part d'un boyau humain, de vache certes, mais un boyau humain. Au printemps, les vaches sortent des étables et recommencent à manger de l'herbe. Donc on a des boyaux un peu plus blancs, et donc des cordes en boyaux un peu plus blanches. Tout ça, on ne le maîtrise pas, c'est de la matière naturelle. Le client ne le remarque pas, mais nous, on reconnaît la vache en regardant le boyau. Après cette prestation de Bernard Laporte, c'est Roselyne Bachelot en personne qui nous a expliqué les règles du jeu. Le tennis, nombre de joueurs 4 à 10. Les joueurs se divisent en deux camps et tirent au sort pour désigner le camp qui servira le premier la balle. Pour cela, un joueur lance sa raquette en l'air et un autre joueur du camp opposé crie « nœud » ou « droit ». Ces deux termes indiquent les deux côtés de la raquette, le côté des nœuds et le côté uni. À la place des raquettes, on peut se servir de tambourin. Alors là, très vite, ça a été le bazar. Et il a fallu tout reprendre à la base. Ils sont face à face, ils ne se touchent jamais. Leur raquette m'évoque un gros colt. On dirait qu'ils sont dans la rue principale d'une petite ville et qu'ils vont se tirer dessus, pour l'honneur, bien sûr. Ce qui m'agace, c'est plutôt que tous ceux qui pourfendent le sport à longueur d'année se découvrent soudainement, en mai et juin, des âmes de connaisseurs et d'amateurs. Le tennis, c'est noble. On n'y entend pas de gros mots. C'est aseptisé. On s'y retrouve entre soi, entre gens bien. Je veux dire, Belmondo, Bernard Tapie. Chacun y poussait de son siège avec le Figaro du jour. Quelle classe, quel bel exemple pour notre jeunesse. Et au lieu d'écouter le cours, Serge Danet, à haute voix, se rappelait sa jeunesse. On a oublié la violence avec laquelle un sport comme le tennis, qui était connoté intégralement bourgeois, était interdit, mais interdit aux gosses du peuple. Et nous, on s'est un peu arc-boutés. On dépensait des sommes folles pour nous qui n'avions pas un sou pour aller jouer une heure par semaine. À Romainville, je me souviens, on prenait. Mais le plaisir, non, c'est au-delà du plaisir. La jouissance d'être sur un court et de courir sur un court avec des lignes, cette jouissance du tennis, c'est quand même l'une des choses absolument parfaites du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel on peut lire un nombre de choses hallucinantes. Je me suis remis à jouer au tennis parce qu'au tennis, quand on envoie la balle quelque part, le principe, c'est de vous la renvoyer. Le séminaire terminé, on est resté pour s'entraîner. Et entre deux parties, on écoutait Gilles Deleuze nous raconter l'histoire du tennis. Alors, je me dis, quel a été le grand tournant du tennis ? C'est sa prolétarisation. C'est devenu un sport de masse. De masse plutôt jeune cadre que prolo, mais enfin, mettons, appelons ça prolétarisation du tennis. Mais ça ne se serait pas fait s'il n'y avait pas eu un génie. C'est Borg qui a assuré. Pourquoi ? Parce qu'il a amené le style d'un tennis de masse. Et tout ça, ça implique l'invention totale d'un nouveau jeu. Fond de court, liftage, balle haut, c'est le contraire des principes aristocratiques, c'est les principes populaires. Simplement, quel génie il fallait. Parce que Borg, c'est exactement comme le Christ. C'est un aristocrate qui va au peuple. Bon, la Suède, il joue bien au tennis. Moi, j'aime mieux le ping-pong, moi, personnellement. Hein. Y a pas de quoi crâner avec le tennis, c'est pareil que le ping-pong, sauf qu'ils sont debout sur la table. Hein. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette exploration poético-burlesque et ventre à terre battue au cœur de l'inattendu. Mais il est maintenant temps pour nous de retrouver la terre grasse et arable de notre petit village fleuri, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boule des Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, retrouvons immédiatement nos deux sommités grosboulaises, Jean-Claude l'emprésuré et Monique la pasteurisée, car jeudi dernier, au petit déjeuner, lorsqu'il sirotait son café au lait en écoutant Nicolas Demorand, Jean-Claude a été confronté à une subtile question que lui a posée son fils Rémi. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, comment on fait les bébés ? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander. Et demain, Lacten vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lacten Cacao. Rémi a donc terminé son chocolat au lait, ravi des explications de son papounet. Pourtant, de son côté, Jean-Claude fut bien intrigué par l'omniprésence du lait dans les questionnements du moment. Et oui, ça râle sévère dans le monde des producteurs de lait, et notre Jean-Claude, qui refuse de ne pas comprendre les problèmes de société, a décidé cette semaine de remonter la filière laitière afin de mieux saisir la crise que traverse ce secteur agricole. Et il a commencé ses investigations en allant voir les consommateurs. Et j'aperçois un jeune homme, mais alors passionné littéralement par l'absorption du lait qui lui a été proposé. Il est en train de sucer sa paille avec une ardeur et on voit le liquide qui baisse avec une rapidité. C'est bon, t'aimes ça toi ? Il y a longtemps que tu en bois ? Oui. Quel âge as-tu ? 6 ans, 7 ans. Ah si, tu sais pas très bien, mais quand tu auras bu le lait, alors tu paraîtras 8 ans, alors, comme ça tout s'arrangera absolument. Et puis alors, là, j'aperçois un autre petit. Ah lui, il a pas commencé. Il est en train de contempler sa petite boîte de lait avec un air bizarre. Il sait pas très bien s'il va l'ouvrir ou s'il va pas l'ouvrir et s'il va plonger sa paille dedans. Alors tu te décides, parce que toi aussi t'aimes beaucoup le lait. Oui. Hein ? Oui. Oui. Et tu as quel âge ? 6 ans et demi. Tu as 6 ans et demi. Mais pourquoi tu mets pas ta paille dedans là ? Mets ta paille dedans et puis allez, vas-y, aspire un bon coup là. Allez, vas-y là. Hein ? C'est bon, hein ? Ah, c'est sensationnel. C'est sensationnel à quel point les consommateurs aiment le lait. La demande est donc forte. Et Jean-Claude décide alors, pour mieux comprendre la filière laitière, d'aller à la rencontre d'un directeur de supermarché pour mieux saisir le rôle des distributeurs et des intermédiaires. Et monsieur le directeur fut sincère. Je crains que ma firme ne se comporte souvent, je dirais, de façon immorale. Il semblerait que le cabinet dans son ensemble soit engagé dans un... un complot, quoi. Nous avons, disons, surfacturé nos clients. Mangeons du lait. Dans toutes mes surprises parties, j'invite le lait qui est mon ami. Je suis pas douillet, je n'ai plus peur depuis que j'ai mon ami le bain. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mangeons du lait. Les produits laitiers sont donc nos amis pour la vie, de la croissance des os à l'adolescence à l'ostéoporose de l'ossature dégénérescente. Jean-Claude, toujours en quête pour comprendre le malaise des producteurs de lait, décide alors d'aller voir celui que le gouvernement nomme, quand il n'y a plus aucun espoir dans une crise sociale, l'immanquable médiateur. Et cet énième médiateur a tenté d'expliquer à Jean-Claude, en aparté, que les négociations avec les agriculteurs sont compliquées car c'est bien connu, le paysan rouspète sur tout le temps. Il rouspète sur tout. En ce moment, c'est l'essence. Ah, c'est l'essence. L'essence encore augmente. Oh, hé, vous y mettez un peu du vôtre, hein. Au lieu d'acheter des 25 et 30 litres, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous n'avez qu'à en prendre pour 100 francs. Moi, ça fait des années que j'en prends pour 100 francs, j'ai toujours payé le même prix. Alors il me dit oui, mais vous allez de moins en moins loin. Je vais où je veux. Oui, le médiateur nommé par le gouvernement, comme le gouvernement lui-même d'ailleurs, va là où il veut. Et Jean-Claude, quant à lui, sait maintenant où il veut aller. Il part à la rencontre du premier concerné par la chute des cours du lait qui ont dégringolé de 30% en quelques semaines. Jean-Claude prend donc la direction d'une petite ferme de Grosboules-les-Bains pour discuter avec un producteur de lait et essayer de saisir comment il est possible de vivre lorsqu'on vend sa production à perte. Jean-Claude entre donc dans la cour de ferme, il s'approche de l'étable et là, quelle n'est pas sa surprise quand il se retrouve nez à nez avec l'agricultrice. Oui, Jean-Claude se retrouve face à Patricia Casse, devenue fermière à Grosboules-les-Bains depuis son échec au concours de l'Eurovision la semaine dernière. Eh ben oui, maintenant c'est comme ça. La France est tellement épuisée de perdre tous les ans à l'Eurovision que désormais chaque candidat, s'il échoue, se voit proposer une reconversion. Jean-Claude dit bonjour à la dame et lui demande si ce changement professionnel n'est pas trop difficile. Bonjour, c'est Patricia Casse. Très, très simplement, très naturellement, en essayant de me poser le moins de questions possible. Je ne savais pas dans quelle direction non plus j'allais aller. Et ça, tout s'est fait assez naturellement. Premièrement, j'avais besoin de sentir une motivation assez importante autour de moi. Et c'est super motivant, c'est super flatteur, parce qu'on ne sait pas comment ces gens te voient dans ce milieu qui est très différent. Un milieu vraiment différent pour Patricia Casse, qui est donc devenue productrice de lait à Grosboules-les-Bains. C'est merveilleux, se dit Jean-Claude, de voir comment cette femme multiplie les talents. Enfin, il nuance très vite sa première impression quand il constate comment Patricia effectue la traite des vaches. Le lait tombe. Je l'ai fait tomber. C'est rien, mademoiselle, c'est qu'un pot. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, il faudrait que je m'assoie. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Le récit en farce s'en fut fait. On l'appela le pot au lait. Soudain, Jean-Claude est pris de commisération face à la détresse de Patricia Casse devant toutes ses vaches. Jean-Claude, c'est un brave garçon. Alors aussitôt, il propose son aide à la malheureuse néo-fermière. C'est pourquoi il explique à Mademoiselle Casse qu'il a une méthode infaillible pour traire une vache. Patricia K est sous le charme de Jean-Claude. Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais, oh, je voudrais la voir, longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor et son passé. C'est étrange peut-être, cette curiosité, voir enfin pour admettre et pour ne plus imaginer. Mais il n'est absolument pas question d'imagination. Jean-Claude s'exécute aussitôt et fait immédiatement exhibition de sa méthode infaillible pour traire les vaches. Ça, c'est celle qui dure à traire. Ah, tu veux prendre l'autre alors? Ouais. Bon, allez, pas grave. Ouais, elle est plus courte et plus facile à traire, celle-là. Ok. T'es prête? Ouais. Allez, vas-y. Ouh, joli. Ouais, mais pas que, t'as le gros. Aïe, oh putain, elle m'a mis un coup. Ah, ça, c'est pas juste. Eh, arrête, elle me met des coups de vide. Aïe, tu y es presque, hein. Je crois que j'y suis. Continue, t'arrêtes pas, hein, tu y es. Arrête de me pousser, grosse vache. Ah, j'ai le mal au... T'arrêtes pas, comme si j'y suis, là, ça y est. Ah, j'en peux plus. Vas-y, tu y es. Bon, c'est bon, là, je le vois plus. Ah, elle y est. Ah, bravo. 40. Ah, bien, je me suis tué les bras. 40. Ah, j'ai c'est les bras tout contractés, là. Bien joué, c'est très bien. Bien. Alors maintenant, toujours en direct avec toi, après avoir découvert que Jean-Claude excelle dans l'art d'apprendre aux autres à traire une vache, il est temps désormais à 11h41 de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin au palais présidentiel. Oui, figure-toi que notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé à la rencontre cette semaine de M. Georges Poisson, historien de 85 ans et ancien conservateur général du patrimoine. Défenseur acharné des monuments, ce spécialiste de l'architecture fut chargé, entre autres, de diriger la restauration de la maison d'Émile Zola à Médan, mais il est aussi et surtout passionné par le château de l'Élysée. Néanmoins, pourquoi s'intéresser ce matin à cette résidence républicaine? Eh bien, chers amis, juste après la virgule, découvrons pour quelle raison M. Julien Dugast est allé interviewer M. Georges Poisson. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Ça t'a peut-être échappé, l'ami, mais notre président et Carla se cherchent en ce moment un nid d'amour. Et oui, pour l'instant, l'hyper-super-président squatte chez sa douce dans le 16e arrondissement. Et là, tu te dis, mais pourquoi donc ne sont-ils pas installés à l'Élysée? C'est vrai, ça? Pourquoi donc? L'Élysée est une petite maison. Et ça pose des problèmes sans arrêt, de présidence en présidence. C'est un hôtel particulier qui a été construit au début du 18e par un grand seigneur qui était célibataire et qui n'a pas besoin de beaucoup de place. Alors, tous les présidents ont essayé de gagner de la place, de construire des salles de fête, des salles à manger, etc. Voilà, comme c'est lumineux. Oh, j'en ai mal aux yeux. Parquet Louis XV. 15. Oh, regardez-moi cette véranda. Rien que pour rien, il y en a pour une fortune. Oui, elle est très belle. Hein. Ouais. Hein? Mmh. La cuisine. Oui, elle servait surtout au personnel des maisons. Hein. Allez, on continue. Pompidou, Giscard, ont gardé leur appartement personnel dans Paris. Pompidou y est mort d'ailleurs, il est mort chez lui, quai de Béthune. Ça leur arrivait de passer la nuit à l'Élysée, mais c'était un peu exceptionnel. Ça ne les a pas empêchés d'ailleurs, l'un comme l'autre, de faire refaire entièrement l'appartement présidentiel, chaque fois dans le style qu'ils souhaitaient. La chambre de maître. La salle de bain est légèrement à agrandir, mais bon. Excusez-moi, mais les travaux datent pas de 2000. Oh, il doit falloir monter beaucoup plus, hein. Il y a carrément des gros travaux à faire. Pompidou était amateur d'art moderne, comme vous le savez, et il avait donc refait l'appartement présidentiel avec des meubles modernes, des tableaux contemporains, en même temps un certain mélange de style. Il aimait bien les mélanges. Giscard, au contraire, qui est un traditionnaliste, a refait entièrement l'appartement en faux 18e. Mitterrand, lui, a voulu une fois de plus refaire l'appartement présidentiel, et alors ils en ont discuté avec Jacques Lang. Ils ne s'entendaient pas sur le choix du décorateur et finalement ils ont décidé de donner chaque pièce de l'appartement à un décorateur différent. Bon, pour la nouvelle déco de l'Élysée période sarkozienne, faut voir. Ce qu'on sait, c'est que pour un budget serré de 10 millions d'euros, le président visite encore et encore. Dernièrement, paraîtrait qu'il a eu le coup de cœur pour l'appartement d'Yves Saint-Laurent. Problème, Mick Jagger serait leur nouveau voisin. Problème parce qu'il est l'un des nombreux ex de Carla. Ça risque de compliquer sa vie à Mick. Elle habitera dans mon immeuble. Juste au-dessus de moi, à chaque fois que je quitterai l'immeuble, je devrais le faire en douce comme un cambrioleur. Tu es perdu, tu devras avoir toutes tes histoires de sexe chez elle, dans leur appartement. Ce sera comme une permanente aventure et tu peux oublier l'avantage du pieu personnel. Bon, sinon, le président peut toujours aller à Versailles, à la Lanterne. Résidence autrefois réservée au Premier ministre. C'était avant Nicolas Sarkozy. Ce qui est le plus amusant, c'est qu'il avait dit qu'il donnerait à la place à Fillon une autre résidence présidentielle qui est le château de Souzy-la-Briche. Et puis maintenant, on dit qu'ils vont le vendre, Souzy-la-Briche. Pauvre François Fillon. Déjà que ses prérogatives ont été bien désinguées, voilà qu'on voudrait lui confisquer son beau château de Souzy-la-Briche dans l'Essonne. Cela dit, ce n'est pas si vrai. Il faut être honnête, en réalité, le Premier ministre ne s'y rend jamais. Alors, dans un souci de réaliser des économies sur le budget de la présidence de la République, l'administration élyséenne a souhaité revendre son château. Sauf que non, car la législation rend l'opération bien trop compliquée. Résultat, depuis quelques mois, l'Élysée cherche avant tout à louer ce domaine présidentiel. Bon, alors pour celles et ceux qui seraient vivement intéressés par cette petite annonce immobilière, et donc de signer un bail avec Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, voici quelques informations indispensables et nécessaires avant de s'installer dans un palace comme celui de Souzy la Briche. Hello les amis ! Vous êtes très nombreux à me demander si les gens qui vivent au palace sont faits comme tout le monde. Les hôtes du palace se lavent-ils ? Les mâles ont-ils deux couilles et les femmes une paire de seins ? Qui crache et qui avale quoi ? L'amour est-il plus raffiné ? Passe-t-il par les mêmes organes ? Mon Dieu, que vous êtes naïfs ! Les préjugés ont décidément la vie dure. Sachez donc, si cela peut vous rassurer, que les habitués du palace sont exactement faits comme vous et moi. Et l'argent demeure leur principal auxiliaire, qu'il s'agisse de sexe, d'hygiène ou d'amour. L'organe le plus important au palace, c'est quand même le portefeuille. Alors, à quoi bon vous tourmenter inutilement ? Si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, allez vous faire foutre. Bonsoir. T'as vu Monte Carlo ? Non, j'ai vu monter personne. T'as vu Monte Cristo ? Non, j'ai vu monter personne. Mais j'ai vu le fils d'un voisin flirter avec une voisine. Il parle que c'est sa cousine. Dis, t'as vu Monte Carlo ? Non, j'ai vu monter personne. Dis, t'as vu Monte Cristo ? Non, j'ai vu monter personne. J'ai vu l'Asie, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique, tous les films de Bardot, le joli dos de Belmondo, du matin jusqu'au soir, mon mari m'en fait voir sur le petit écran. Je vois la couleur en noir et blond. Qui t'a vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Qui t'a vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Mais j'ai vu un voisin infâme se disputer avec sa femme. Il a sorti son grand couteau et l'a découpé en morceaux. Un, deux, trois, quatre. T'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Dis, t'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. J'ai vu monter, monter par un beau pied, monter. J'ai vu monter dans le coup. Mon téléphone, monter pour fou. Dis, t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. T'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Ça se gagne. T'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. T'as vu Monte Cristo? Non. T'as vu Monte Carlo? C'est la sublime Annie Cordy qui voyait en 1969 Monte Carlo. L'année même où Charles de Gaulle descendait du pouvoir. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Mais c'est quoi ce secret ? Alors maintenant, à 11h50, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et, afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Bien Philippe, pour commencer, la lecture de la presse cette semaine a été apaisante et encourageante puisque, par la voix de Luc Châtel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, le gouvernement nous propose un régime sans zèle. Rappel des faits, la semaine dernière, pendant cette revue de presse, nous étions turlupinés par l'affaire d'un professeur de philosophie conduit au tribunal pour avoir crié « Sarkozy, je te vois !» C'était lors d'un contrôle d'identité dans la gare Saint-Charles de Marseille. Mardi, ce dangereux perturbateur est passé devant le juge et le ministère public a demandé 100 euros d'amende. Mais ce qui est rassurant, c'est la réaction du gouvernement, par la voix de Luc Chatel donc. Une dépêche de l'AFP, mardi à 12h52, nous apprenait que pour le porte-parole du gouvernement, cette affaire relève d'un malheureux excès de zèle. Mmh. Voilà, nous sommes rassurés, le gouvernement... Ambiance. Ah oui, oui, oui, le gouvernement demande à la police de ne pas faire de zèle. Bon, l'information n'a pas dû arriver à temps à Floirac, en Gironde, puisque le jour même, 6 policiers sont intervenus pour appréhender 2 dangereux délinquants de 6 ans et de 10 ans. C'était à la sortie de l'école primaire Louis Aragon et... Pardon, excusez-moi Philippe, j'entends une remarque de Jean-Marc. Jean-Marc de Garches, qui vient de dire à côté de son transistor que rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, mais que quand même, si c'est 10 ans, c'est bien jeune pour être traumatisé par des policiers. Oui. C'est jeune, hein. Donc voilà, le Parisien de vendredi a interviewé la maman du môme de 10 ans qui explique un peu ce qui s'est passé. Donc, la police est venue en force, parce que 6 policiers, c'est ouais, beaucoup. Pour 2 gamins. Moi je me demande si le soir ils étaient fiers de leur journée en fait. Bah écoutez, je sais pas... On va leur demander. La police, elle est intervenue. Elle a arrêté les gamins pour une histoire de vol de vélo. Bon, ils ont été emmenés au commissariat, interrogés pendant 2 heures. C'est long, 2 heures, hein, quand on est tout gamin comme ça. Alors, pour rajouter une couche à cette histoire délirante et dangereuse, très vite, il a été prouvé que les vélos appartenaient bien aux mômes et que la police a juste fait du zèle. Bon, ce n'est pas l'avis de M. Albert Doutre, le directeur départemental de la sécurité publique, qui, nous rapporte le Parisien, assume de bout en bout. Et... Pardon Philippe, excusez-moi, j'entends une remarque de Marie-Vonne d'Audeville qui nous dit qu'elle espère bien qu'Albert va réellement assumer de bout en bout cette immonde histoire, hein, puisqu'il a l'air un peu jusqu'au boutiste, Albert. Alors Philippe, face à la menace des arrestations à la sortie des écoles, qui va peut-être bientôt se doubler d'une fouille au corps à l'entrée des classes, j'ai jeté un œil dans la presse pour enfants afin de savoir si les mômes sont bien préparés. Eh oui, eh oui, eh oui. Par exemple, dans le journal de Mickey, cette semaine, à la page 22, on assiste à l'interpellation musclée de Donald, accusé d'avoir volé un sac plein d'argent à l'oncle Picsou. C'est une arrestation ultra réaliste en 5 vignettes où le personnage du policier est très crédible. Première vignette, les mains en l'air. Deuxième vignette, tu es en état d'arrestation. On remarquera le tutoiement. Oui. Troisième vignette... Donald est menotté, son sac est confisqué sous les yeux effarés de Riri, Fifi et Loulou. Quatrième vignette, l'agent ricane. Pris la main dans le sac. Ah, humour policier. Ah, tout de suite. L'agent ricane. Eh oui. Et cinquième vignette, l'affaire est close. Tu vas passer du temps sous les verrous. Donc bon, la présomption d'innocence et la justice ont bien été réformées. Parfait. Voilà, donc, ce qui n'est pas parfait... Dans cette histoire, c'est qu'il manque bien sûr le personnage de Géo Trouve-Tout qui dirait « Sarkozy, je te vois », bon, qui serait aussi arrêté bien sûr, et Albert Doutre qui dirait « J'assume de bout en bout ». Voilà. Bon, le journal de Mickey, par contre, essaye de bien préparer les gamins aux interventions policières, mais il n'est pas le seul. Le mensuel New Star Mag, qui fait sa une cette semaine sur les amours menacés de Zac Efron et de Vanessa Hudgens, nous livre une double page sur la série Prison Break, avec ce conseil pour les futurs détenus, accroche-toi au barreau. Voilà, les ados sont prévenus. La presse prépare bien les mômes, hein, aux interventions de la police dans les écoles, à ces interventions qu'on impose à nos pauvres policiers. Et, ah, excusez-moi Philippe, encore une remarque d'un auditeur, c'est Agnès de Fontainebleau qui nous rappelle que notre président avait préconisé le dépistage de la délinquance dès l'âge de 3 ans. Donc oui, vous avez raison Agnès, oui, oui, les crèches aussi sont menacées, mais on peut aller plus loin. Le mensuel, 9 mois, est prévoyant et donne déjà des conseils pour les gardes à vue fétales avec un dossier intitulé « Je n'oublie rien dans ma valise ». Et le magazine insiste sur le fait qu'il faut avoir ses papiers d'identité, des vêtements confortables et aussi de quoi s'occuper. Hein. Sophie la girafe, la girafe dans tous les dépôts. Oui. Vous vous souvenez de Sophie? Elle oui. est très importante. Oui. Voilà, parce que dans un cachot, on s'ennuie très très vite. Alors justement, en parlant de cachot, Philippe, je ne peux manquer d'évoquer cette information que nous livre Libération de lundi dernier. En Afghanistan, le seul port du pays vient d'être mis en quarantaine. Voilà, c'est déjà une information. Il n'y a qu'un seul cochon en Afghanistan, c'est aux eaux de Kaboul précisément. Une bête offerte par la Chine au titre de la reconstruction. Mais merci Pékin, c'est gentil. Sous prétexte de fièvre porcine, le groin-groin a été mis en tôle. Voilà. Alors le drame, le vrai drame, c'est que la bestiole a été séparée de sa seule amie, une chèvre.